Les comités préparatoires pour la journée de la brillante étoile sont constitués en Irlande, au Brésil et en Suède. Les comités ont décidé d'organiser des cérémonies politiques et culturelles comme rassemblements, séances de films, expositions de photos et de livres pour exalter la vie révolutionnaire sacrée et les exploits du général Kim Jong-il à l'occasion du 75e anniversaire de sa naissance. Par ailleurs, le comité préparatoire pour les 105e et 75e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il vient d'être constitué en Russie.